Question 34. Dans cette intersection, je pourrais tourner à droite. Réponse A. Aller tout droit. Réponse B. Tourner à gauche. Réponse C.